Exercice 13, page 81. Ma mère regardait la tasse de tisane fumée sur la table ronde à côté du fauteuil. La vapeur s'élevait.